Karen Mulder. Karen. Karen Mulder. Karen, c'est toi ou c'est quelqu'un d'autre? Un petit bisou? À Monaco. Un petit bisou? À Tokyo. Je suis pas encore été à Tokyo. Coupé. Coupé. Mon premier défilé que j'ai fait, j'ai glissé et j'étais allongée par terre. Un petit bisou? Oh, à Monaco. Un petit bisou? Mais non. Karen, Karen, où habitez-vous? New York, Paris, à Monaco et à Tokyo.